Ok, ok. Je fais partie des rares types de ma team qui ont pas fait de star. Chez nous faut sortir le roadster ou être un pet de gangster pour accéder au rang star. Trop de mecs fous, tu te violentes, sale peu et de sale shit. Leur vendeur cesse, ils te font du volant comme Hutch et Star qui laisse. Vu dehors, ça te paraît si dingue, n'est-ce pas? Les mecs parlent en messe-basse quand s'agit de Nesbé de Béba. J'garnis mes Stan Smith, force d'user l'asphalte. Kiffe les sales Schmitt, autant que le regarde ma mère quand je crée en retard à la rate basse. C'est triste comme d'apprendre qu'un de nous est pris. Répondre à l'appel du Yévi, jusqu'au rappel de nos frères qui font la hier prix. Putain, un conseil, reste sur tes gardes et sois bien sur tes gardes. Parce qu'à la moindre faiblesse, on va pas se gêner pour te hagar. Ce que je dis, c'est rien de plus ni moins que ce que dirait un de mes types. Chacun son truc, certains dans les stupes, moi c'est dans le rap que j'investis. Regarde, c'est de la vermine sur bande sonore. Tu zonarquistes, la joue artiste, connard, t'as pas vu le coup partir. Dans ma vie, comme dans la tienne, on retrouve les mêmes odeurs de dos, même odeur de gauve et même fauteur de fou. Du crépuscule à l'aube, rien à rien foutre, armé depuis des blots. Vu de faire le monde et à cause des trucs et d'autres. Dans ma vie, comme dans la tienne, on retrouve les mêmes odeurs de dos, même odeur de gauve et même fauteur de fou. Du crépuscule à l'aube, rien à rien foutre, armé depuis des blots. Vu de faire le monde et à cause des trucs et d'autres. J'ai les stocks d'histoires peu banales à te faire balna. D'histoires de mecs qui se canardent pour des histoires de défloraison anal à coups de grosses bananes. J'te parle d'argent ma couille, même les agents ma couille. Et moi j'écume le macadam des rues de ma ville, leur late by night. J'suis le genre sur vête satin, virgule bulter. Chevelure crépue, épiderme châtain, négro fuck si ça crépule. Gère dans ma jungle urbaine, en recherche de budget, le putain de budget. Tu me surveilles tandis que Satan me suggère. Dans la vie y'a qu'une seule chose qu'on peut être sûr, c'est de la mort. Donc laisse-moi vivre en crevé, peser comme je devrais. Génération paniquée et ma mère qui grandit vite entre les ennuis de fric, les flics et leurs emmerdes. Si t'emmènes où sont les crouillés nègres. Nouveau millénaire mon gang. Toujours mille et une merde, on a toujours les nerfs. Tu es au people que rien n'est nice. C'est que nos stories c'est pas love. Allez, trinque à la mienne frérot, ce soir c'est moi qui offre one love. A tous nos books, Bison, Abou et Dasbou. Et le reste de nos partenaires que le système veut par terre. Mais fort qu'on restera debout. Putain à perdre, on a des buts à atteindre et des buts à apprendre. Des bouquins pour apprendre et un but à apprendre. C'est ce que je me tiens à me dire chaque jour que je serai au fait. Passer le passé, le présent n'est pas tendre et le futur c'est attendre. Check, le futur c'est. Dans ma vie comme dans la tienne, on retrouve les mêmes odeurs de dos, même odeur de gauve et même fauteur de fou. Du crépuscule à l'aube, rien à rien foutre, armé depuis des blots. Vu de faire le monde et à cause des trucs et d'autres. Dans ma vie comme dans la tienne, on retrouve les mêmes odeurs de dos, même odeur de gauve et même fauteur de fou. Du crépuscule à l'aube, rien à rien foutre, armé depuis des blots. Vu de faire le monde et à cause des trucs et d'autres.